rap top, qu'à la concu comme des tenders. Moi c'est BR, je fais que des bangers. Moi quand je bois c'est par hectolitre. Je danserai jamais sur ta tectonique. Ils se gonflent, font de l'ego trip. En moins de 30 secondes je les électronise. Je casse la rythmique, là c'est la balle atomique. Tu me compares à Zbik, j'envoie des balles atomiques. Ralenti, faudrait que j'aille à ton rythme. Toi t'as du mal à suivre un peu comme Valado 8. Posté en attaque, je suis un électro libre. Mes dossiers à la fac étaient blindés de trolley. Y'a une garde à si ton micro vibre. Car la pied des poucaves c'est la téléphonie. Là ils tournent en rond comme des escaliers. Je parle comme mon nom et je vous laisse parier. Deviens muet, je connais trop de parias. Ça trahit l'omerta, ça sort des gros barillets. Je côtoie des fous mais mis à part ça, on tient debout même dans un car plat. Tu peux me pousser des jets mais vas-y barre-toi. Je suis la revanche du PSG contre le Barça. Y'a les gentils et ceux qui braquent, braquent, braquent. Nous on mise tout sur la tac, tac, tac. Wesh t'étais où quand ça casse la porte? T'es revenu car je fracasse la prod. Y'a les gentils et ceux qui braquent, braquent, braquent. Nous on mise tout sur la tac, tac, tac. On veut de l'or, du violet comme les Lakers. Moi c'est BR, je fais que des bangers. Les prix augmentent vu qu'on est pris dans les taux. Montez la sono, frérot, je suis pile dans les temps. Y'a des vrais armes et ceux qui tirent, c'est défaut. Une qualité ne vaut pas le prix de ses défauts. Charge la mallette comme ceux qui montent à Genève. Combien de barrettes j'ai compté toute ma jeunesse. Rien ne m'affecte, je crois que mon cœur a gelé. Tu sais où nous trouver, mais c'est pas Los Angeles. Faut pas te louper, sinon ça vise la rate. Je me fais discret comme la 3-8 de la BAC. Plus aucun sens, je suis à côté de la plaque. Nous, on pense aux absents quand on vide la jack. Ça veut coûter pour un pop, ça s'endette. Il suce pour qui, je vois que des passes en retrait. Je te donne l'inspire, je ferai ça sans verte. La poche m'a rattrapé, j'ai pas fait 500 mètres. Ça met des barrières, donc on va casser les portes. Pas de marche arrière si t'as clashé les nôtres. M'en bats tes corps, mais je m'en bats ton gamos. Débarque et je frappe de loin comme Roberto Carlos. Y'a les gentils et ceux qui braquent, braquent, braquent. Nous, on mise tout sur la tac, tac, tac. Wesh, t'étais où quand ça casse la porte? T'es revenu car je fracasse la prod.